La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite? Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. Il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour. Alors, deux mots d'abord sur la personne que vous allez découvrir aujourd'hui. Elle a grandi au Congo. Son papa était vétérinaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est le cas de le dire, notre découverte, eh bien c'est Claudine André qui, il y a quelques années, a créé une association qui vient en aide aux singes bonobos. C'est Lola Ya Bonobo. Alors Claudine André, dites-nous un petit peu, comment est née cette association Lola Ya Bonobo ? Mon association est née en fait tout à fait par hasard pendant la guerre. C'était pas tout à fait la guerre, mais en 91 et en 93, on était rentré dans une période politique un peu compliquée au Congo, avec le départ de Mobutu vers sa zone natale et laisser soi-disant les tripartis s'arranger. Et donc il y a eu des pillages et la ville a été détruite. Et quelqu'un est venu me demander si j'avais été au zoo voir l'état du zoo. Bon, moi, je ne m'occupais pas du tout d'animaux, mais fille de vétérinaire au Congo, arrivée là-bas en 1951, comme ça je le dis, je ne dis pas mon âge, et j'ai poussé la porte du zoo et ma vie a changé, parce que non seulement j'ai trouvé 200 animaux dans un état terrible, mais j'ai aussi trouvé 32 hommes qui attendaient Dieu sait quoi, mais qui étaient là parce qu'on leur payait le transport pour venir au travail, et avec ça, ils avaient de quoi acheter un pain ou d'eux pour leur famille, puisqu'il n'y avait plus de budget et rien. Donc j'ai fait ce pari de sauver le zoo, et tout de suite j'ai vu que l'attitude des enfants orphelins, ou des enfants sorciers, ou des enfants des divorces qui traînent en ville de Kinshasa, ils se réfugiaient au zoo. C'était pas très sympa avec les animaux, mais le fait de leur expliquer la vie des animaux, le nom et tout, j'ai vu leur transformation qui a fait qu'après, je me suis dit, ma devise deviendra toujours « la conservation commence par l'éducation ». Et ça a commencé comme ça, un bébé bonobo après 2 mois, et le directeur du zoo m'a dit « mais maman Claudine, là, tu ne dois pas mettre ton cœur, ce n'est pas un chimpanzé, c'est un bonobo ». Et les bonobos, c'est 100% de mortalité, ils ne veulent pas vivre. Et c'était un nouveau challenge, celui-là, il fallait qu'ils vivent. Et en fait, j'ai vu très vite que si vous portez ce bébé bonobo, il veut vivre à cause de vous, à cause de l'amour que vous lui donnez. J'avais trouvé le mode d'emploi, et de 1 à 2, et aujourd'hui 130 ou 140 bonobos plus tard, on les a toujours sauvés, quel que soit l'état terrible dans lequel ils nous parviennent. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça, et c'est ce même directeur qui m'a dit « mais tu sais, tu ne peux pas aller demander des dons et tout ça pour le zoo si tu n'as pas une association et tout ». Et j'ai créé les Amis des Animaux au Congo dans un premier temps, et très vite, je me suis focalisée sur les bonobos et sur l'éducation, parce que j'ai pris des renseignements à Anvers, un peu partout. Et on m'a dit combien c'était un animal extrêmement fragile, mais aussi qu'il était 100% congolais. Et donc, et le dernier grand singe, et le dernier grand singe oublié. Et donc, tout ça a fait que, dans une période pourtant totalement troublée, j'ai commencé à impliquer les autorités congolaises, leur dire la loi existe, il faut que vous les saisissiez officiellement, et moi je veux bien m'en charger à votre place. Parce que dans le zoo, il était un peu trop vétuste et un peu trop, pas à la hauteur d'un animal qui est fragile pour sa santé, qui a peu d'immunité. Donc on a commencé à les mettre à la maison, dans une petite clinique vétérinaire qui avait été pillée. Et une longue aventure commençait jusqu'à aujourd'hui où on les remet dans des grands espaces de forêt à l'équateur, leur région d'origine. Lola Ya Bonobo, ça veut dire quoi ? Eh bien, Lola en lingala, ça veut dire le paradis. Donc Lola Ya Bonobo, tout simplement le paradis des bonobos. Et quel est le but de cette association ? Le but de cette association, c'est d'abord faire connaître le bonobo. Évidemment, le but premier au départ, c'était la réhabilitation de ces jeunes orphelins, des derniers bonobos qui ont la chance de vivre encore libres. Mais si les orphelins sont là, c'est qu'ils ont été tués par les braconniers. Et donc, le premier but a été de les réhabiliter, les faire survivre, et puis servir de support à ce programme éducatif que j'ai fait pour la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, il nous permet de recevoir des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants depuis notre création. Et le troisième but était de mieux connaître ce bonobo, parce que de guerre en guerre, de sécession en sécession, on allait peu les étudier en pleine forêt au Congo. Ils sont vraiment perdus dans la forêt, leur biotope, c'est vraiment la cuvette centrale du Congo, où il n'a pas toujours fait bon de se balader. Donc chez nous, on a des accords avec 5 universités de par le monde, Duke, St. Andrews, Max Planck, Kyoto et Harvard. Des étudiants viennent, étudient la cognition, l'éthologie, tout simplement le comportement, les vocalises, des choses comme ça. Si vous regardez sur le website lolayabonobo.org, vous verrez qu'il y a 57 publications scientifiques sur les bonobos. Et le dernier but, qui est arrivé après 2005, c'était la réintroduction en milieu naturel de groupes bien organisés socialement et de les réintroduire dans leur forêt primaire d'origine. Est-ce qu'il y a une différence entre les chimpanzés et les bonobos, ou c'est la même espèce ? Non, c'est absolument pas la même espèce. Ce sont deux pannes tous les deux, mais c'est vraiment deux espèces génétiquement différentes. Ils se ressemblent, ils sont assez proches l'un de l'autre, et ils sont plus proches de nous que des gorilles, par exemple, génétiquement parlant. Mais le bonobo est plus longiligne, plus, vous allez me pardonner de le préférer, mais il est très beau, plus longiligne, il a les jambes et les bras, enfin les pattes, on a toujours l'impression de devoir faire de l'anthropomorphisme quand on parle d'eux comme ça. Les membres inférieurs et les membres supérieurs ont quasiment la même longueur, ce qui n'est pas le cas pour le chimpanzé. Il a les membres inférieurs plus courts. Il a une face noire, des petites oreilles noires, des lèvres roses, mais aussi une coiffure, c'est-à-dire une ligne au milieu, et dans le dos, vraiment une coiffure. Il marche beaucoup plus en bipédie que le chimpanzé, et il est, oui, plus élégant, je dirais. Et son crâne, du fait de la bipédie, est positionné un peu différemment. Donc on voit un peu son os frontal, ce qui fait qu'il a l'air, puisqu'il a les arcades moins prognates, il a l'air un peu plus proche de nous, même si ce n'est pas vrai génétiquement. Mais c'est son organisation sociale qui en fait surtout une différence incroyable. C'est les femelles, l'alliance des femelles qui dirigent, qui a son mot à dire. C'est vrai que les mâles sont très importants, spécialement les fils de l'Alliance, mais son organisation sociale est fabuleusement intéressante. Le fait qu'ils nous ressemblent quand même beaucoup, est-ce que parfois vous n'avez pas envie de les traiter comme des êtres humains, vos bonobos ? Ben, écoutez, moi je dis toujours qu'il y a... C'est comme une forme d'autisme parfois. On a l'impression qu'ils nous comprennent, mais quand ils ne sont plus dans notre monde, ils ne nous comprennent pas. Et moi, je pense qu'il y a une ligne qui sépare nos deux mondes, juste une ligne, que nous passons l'un et l'autre très souvent, mais ils sont aussi totalement animaux et nous totalement sapiens, même si je trouve que la signification n'est pas très sympathique pour ce que nous faisons à travers le monde. Mais nous sommes évidemment... Des êtres différents, des espèces totalement différentes. Mais c'est vrai qu'on peut faire facilement de l'anthropomorphisme parce qu'ils utilisent nos codes. Quand ils veulent partir en forêt, bah, ils font un geste qui montre que le groupe suit après. Donc mais dans la forêt, ils font ça aussi, même de manière... les groupes sauvages font des gestes totalement anthropomorphiques et voilà, c'est une façon de les voir. On sait que ce sont des animaux, mais ils peuvent rire, ils peuvent sourire. Je crois que le propre de l'homme, c'est pas seulement son langage, mais le fait de se raconter des histoires. Et eux, se racontent-ils des histoires ? Je ne sais pas encore. Alors, le bonobo, c'est uniquement un animal sauvage. On ne pourrait pas en avoir, par exemple, comme animaux familiers, comme ben, on a des chats ou des chiens ? Non, c'est absolument. Le bonobo est absolument un animal protégé par la loi dans le pays où il est, d'où il est, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Il est endémique là-bas, c'est-à-dire unique à ce pays-là, mais aussi toutes les lois internationales sur le commerce des espèces en danger le protègent. Ils sont dans l'annexe 1. De la loi de la CITES, la loi sur les actions commerciales qu'il pourrait y avoir avec lui. Non, on ne peut ni détenir, ni tuer, ni exporter un bonobo. Il appartient à son pays depuis 1974, en tout cas depuis la Convention de Washington. Il y a des règlements extrêmement stricts. C'est un animal qui est également très solidaire. Quand un autre bonobo est en problème, ils lui viennent en aide. Vous pourriez nous en dire deux mots ? Il a beaucoup d'empathie, en fait. Il y a beaucoup d'études qui sont faites chez nous, spécialement par l'université de Duke, sur l'empathie. Et aussi, M. De Waal, que vous connaissez, a eu longtemps chez moi une doctorante qui étudiait l'empathie. Effectivement, ils sont... Je ne sais pas s'ils sont... Ils peuvent être solidaires aussi, c'est-à-dire que, par exemple, si on fait une expérience de mettre deux... Il faut tirer sur un banc pour avoir la nourriture avec une corde. Si on tire tout seul, il n'y a plus la corde parce qu'elle vient que d'un côté. Non, eux, ils font vraiment... Ils partagent très facilement. Et même les études montrent qu'ils partagent plus facilement avec un bonobo qu'ils connaissent moins bien ou pas du tout. Parce qu'ils ont peur des conflits, donc sont des diplomates nés. Mais l'empathie, un petit qui crie parce qu'on l'a bousculé ou quoi, il y a toujours un autre qui vient le prendre par le bras. Et vraiment, oui, il y a beaucoup d'empathie pour les autres, les uns avec les autres. Et puis ils ont une façon très particulière de résoudre les conflits, aussi une façon très physique, je dirais. Oui, et on dit toujours, et c'est un peu raccourci comme image, mais disons que pour aller très vite, je dirais, le bonobo est le hippie de la forêt et le chimpanzé est le guerrier de la forêt. Le bonobo, il anticipe même les problèmes qui peuvent arriver, donc les conflits. Donc on utilise le sexe comme langage de paix. Il est bien certain qu'ils utilisent aussi le sexe pour la reproduction, mais ça vient probablement en troisième position. L'autre, c'est juste un langage de paix. Et il n'y a pas toujours des relations sexuelles vraies, mais un contact génital qui apaise les tensions et qui montre « Oh là, je suis ton copain, on ne va pas se battre », etc. Oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on dit qu'il est le hippie de la forêt, « Faites l'amour, pas la guerre », c'est la devise des bonobos. Ce n'est pas toujours vrai, parce que l'alliance des femelles qui dirige le groupe peut être extrêmement sévère avec les mâles, extrêmement. Ils marchent au pas depuis qu'ils sont petits. C'est ces dames qui dirigent, et parfois elles sont des amazones, je vais vous dire. Pas trop sympa avec les mâles. Mais c'est comme ça. Et quelles sont les menaces qui pèsent sur les bonobos ? La menace, je dirais. Les humains, tout simplement. Les humains sont vraiment les seuls qui menacent les bonobos. Parce qu'ils vivent dans une forêt immense, mais où les humains commencent à être partout avec l'expansion démographique. Et il y a surtout la chasse. Mais la chasse part des braconniers, c'est-à-dire des bandes de jeunes hommes qui arrivent, s'installent dans une portion de forêt avec des armes de guerre, bien souvent, installent aussi des pièges, etc., et ne partent que quand ils ont vidé la zone. S'il y a un bonobo dedans, il est pris soit dans un piège ou tiré, et il boucane la viande, donc il la fume pour la conservation, puisqu'il fait très chaud là-bas, et il n'est pas question d'avoir des frigos pour... Donc c'est une grande demande de viande de brousse qui vient de la ville, et c'est la ville, en fait, qui envoie les cartouches dans la forêt. C'est pour ça que nous faisons un grand programme d'éducation dans les grands centres urbains. Aussi, là où on relâche nos bonobos, autour de écolo, il y a bonobo qui veut dire le terroir des bonobos, comme vous parlez d'un fromage à Liège ou à Herve, vraiment le terroir des bonobos. Et là, on a aussi un programme d'éducation. C'est important, mais c'est vraiment, il n'y a que l'humain. L'humain et ce fameux trafic de viande de brousse qui est un mélange de plein de choses et on n'arrive pas à l'enrayer. C'est un mélange de traditions au départ, de goût pour la viande de brousse. C'est un business sans investisseurs, c'est-à-dire ils trouvent des cartouches, ils viennent, ils vendent ça très cher. Le village peut même aider, boucaner la viande, les femmes peuvent aider. Et voilà, c'est un mélange de tout, l'expansion démographique, la déforestation autour des villes de plus en plus, pour faire des plantations pour les villageois. Donc, et on n'arrive pas. On a beau dépenser des millions de dollars, il n'y a aucune solution contre le trafic de viande de brousse. Je ne sais pas très bien, je ne perds jamais espoir parce que je pense que l'humain a cette façon, cette résilience de toujours rebondir et de trouver des solutions. Donc je reste extrêmement optimiste et fidèle à ce que je crois, c'est que la conservation commence par l'éducation. Il faut expliquer, il faut éduquer les enfants. Il faut que les filles aillent à l'école pour faire moins d'enfants, parce qu'une fille éduquée ne veut plus 9 enfants à 25 ans. Non, enfin, à 29 ans, disons. Voilà, c'est tout un processus qui se cherche encore 50 ou 60 ans après les périodes d'indépendance et les troubles qu'il y a eu en Afrique centrale, spécialement en RDC. En dehors de l'éducation, vous avez d'autres actions sur le terrain ? Ben, l'éducation, c'est le principal, c'est-à-dire on fait venir des écoles, on a des budgets pour louer des bus pour qu'ils viennent jusqu'à Lola et à Bonobo, qui se trouvent quand même à 1h30 de route de la capitale. Mais oui, on a la radio, on éduque, et on travaille beaucoup aussi avec l'Institut de recherche biomédicale de Kinshasa, parce que tous les partenaires sont là, au cas où on aurait une autre pandémie, pareil au sida. Vous savez, on sait que les petits singes l'ont passé aux chimpanzés, et puis après ça s'est adapté à l'humain, et maintenant ils surveillent. Nous sommes ce qu'on appelle une population à risque, puisque nous recevons des grands singes, notre plus proche cousin génétique, qui viennent en direct de la forêt. Donc nous participons comme ça à la recherche biomédicale. Et vous savez, avec l'expansion démographique dans la ville de Kinshasa, où il y aurait près de 14 millions d'habitants aujourd'hui, avec peu d'hygiène, parce qu'on est dépassé par tous ces gens qui arrivent, et y a des poubelles partout, et des caniveaux bouchés, on est peut-être vraiment exposé à beaucoup d'épidémies. Par exemple, depuis l'an dernier, on sait qu'on a le chikungunya à Kinshasa, qu'on a la dengue alors qu'on n'avait jamais eu ça. La dengue est quand même une fièvre hémorragique. Donc, on a eu une épidémie de fièvre jaune il n'y a pas longtemps. Et je pense que ce petit moustique tigre qui donne la dengue et peut-être le Zika bientôt fait que nous sommes très entouré, et Dieu merci, c'est un institut qui est à la pointe de la recherche, avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui a des financements parce qu'on croit en lui, c'est l'homme d'Ebola, et c'est rassurant pour la ville de savoir ça. Et donc on collabore avec eux, ils mettent des pièges pour voir si les tsetse bougent, elles viennent chez nous ou pas. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important pour nous, parce que les bonobos attrapent toutes nos maladies, tout. Exactement ce que nos enfants attrapent. Et d'ailleurs, les bébés bonobos sont un peu comme nos enfants. Ils perdent leurs dents de lait à 4 ans. Les femelles ont leur première période à 8 ans, 8 ans et demi. Elles ont leur période dans un cycle qui ressemble au cycle de l'humain. Elles ont le même moyen anticonceptionnel naturel que nous. J'allais dire que nous avions, parce que depuis, on avale tellement d'hormones qu'il est un peu plus tout à fait pareil. Mais quand elles donnent le sein, elles n'ont pas d'ovulation, donc elles ne conçoivent pas un autre enfant et peuvent se consacrer 4 ans à l'allaitement, ce qui fait qu'une femelle bonobo qui a une portée presque pareille à la nôtre, autour des 8 mois et demi, ne fait que 5-6 enfants sur toute sa vie, Et donc, on en tue beaucoup plus qu'il n'en est. Combien de temps vit un bonobo ? Mais c'est quelque chose pour lequel on n'a pas beaucoup, beaucoup de recul, puisqu'on l'a découvert en 1927, vraiment comme espèce différente du chimpanzé. Il reste un pan, mais un pan paniscus, alors que le chimpanzé est un pan troglodytes, avec beaucoup de sous-espèces des deux côtés, mais de son côté, mais les bonobos ne sont uniques, en fait. Et donc, je ne sais plus votre question. Jusqu'à quel âge vit un bonobo ? On dit qu'ils peuvent vivre jusqu'à 50, 60 ans, mais ils sont extrêmement fragiles. Dans leur biotope, évidemment, ils rencontrent moins de choses. Moi, j'ai relâché des bonobos depuis bientôt une dizaine d'années. Ils n'ont jamais eu une seule maladie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont chez eux et les humains ne pénètrent pas dans cette forêt marécageuse. Mais il y a quand même un pic. Un peu comme chez les humains, on dit toujours que les hommes, plus que les femmes d'ailleurs, ont quand même un pic de mortalité dû par les crises cardiaques vers les 50 ans, etc. On est en train de participer à une étude sur les bonobos en captivité, en semi-captivité comme à Lola, ou en vraie liberté à Louis Cotal dans le parc de la Salonga, parce qu'il semblerait qu'il y aurait un pic aussi pour les grands singes vers les 35 ans où les mâles sont plus susceptibles d'avoir des crises cardiaques, on croit en tout cas. Voilà. Parlez-nous un petit peu de ce programme de réintroduction qui est organisé par votre association. Mais écoutez, en 2005, j'avais peut-être déjà 80, 85 bonobos à Lola et à Bonobo. Je les voyais arriver de plus en plus. Et je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans ? Parce que je crois que quand on travaille dans la conservation, il faut avoir une vue à moyen terme, au moins à long terme si possible, mais rarement à court terme. On est déjà dépassé le lendemain. Et je me suis dit, mais est-ce que je vais un jour devoir euthanasier les derniers orphelins, des derniers bonobos qui ont eu la chance d'être encore libres, et les refuser parce que je n'avais pas de place. Donc, à ce moment-là, avec l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, ou l'IUCN en anglais, ils avaient des lignes directrices, des guidelines pour la réintroduction de certaines espèces qui avaient été particulièrement réussies, comme les petits singes tamarines, etc. Et donc, ils ont fait une réunion pour remettre les guidelines à jour et essayer d'englober les grands singes. On se disait, on ne trouve pas de solution contre le trafic de viande de brousse, il faudrait peut-être essayer de faire la réintroduction. Et moi, ça m'a botté, et je me suis dit que voilà ma conscience en paix si je réussis à faire ça, et à commencer pour moi une des plus belles périodes de ma vie, c'est-à-dire suivre cette ligne directrice extrêmement stricte, mais trouver 6 sites éventuels pour faire cette réintroduction, ce qui m'a permis de partir à 1000 km de Kinshasa juste après la guerre et de retrouver ce que mon enfance m'avait donné à l'âge de 3-4 ans avec mon père vétérinaire. On allait dans les pays des mille collines, dans le Kivu, le Rwanda, le Burundi en 1951 en chaise à porteurs parce que les villages étaient partout et il y avait une grande épidémie de charbon. Qui est une maladie qui décimait les vaches Watutsi, les vaches avec de très longues cornes. Et mon père me laissait aller jouer avec les gens et tout. Et ici, j'ai trouvé que les gens n'avaient absolument pas changé. Les citadins sont aigris par leur pauvreté, etc. Mais dans la forêt, ayant survécu à tous les déboires, à tous les désolations d'être abandonnés par les uns et par les autres. Ils étaient très heureux de me voir. Et surtout les femmes qui me disaient « Tu n'as pas de mari, toi ?» Je dis « Mais oui. » Et 2 enfants. Oui, 5 enfants. Et même des petits-enfants. Alors elles disaient « Ah ben alors la guerre est finie, sinon ils ne la laisseraient pas venir. » Et ces gens d'en bas, vraiment d'en bas, je me suis dit que c'était ça mon projet. Il fallait remettre les bonobos, mais avec eux. Parce que un projet tout seul comme ça, si les gens ne comprennent pas. Et donc ça a été pour moi une aventure formidable. de faire tous ces sites et de choisir Ekolo et Abonobo près de Bassankoussou, parce que ces gens m'attendaient. J'avais l'impression qu'ils posaient encore un espoir, et on a commencé à travailler, à préparer et à remettre les gens en comité de développement de village pour leur réapprendre à remettre un pied devant l'autre et y croire encore. Et on a fait des arbres à problème, j'ai engagé un sociologue, voir leurs attentes, ne jamais dire « je vais revenir avec des bonobos et c'est grâce à ça ». Non, vous avez la chance d'être dans l'habitat des bonobos et c'est un espoir pour vous, pour demain, etc. Donc à commencer une aventure formidable de travailler. Et vous savez, ces gens-là, ils vous portent. La pyramide, tout à coup, se renverse. On leur fait confiance à la base et ils vous donnent une énergie positive. Et cette pyramide se renverse et part vers le haut, alors que tout le temps, la pyramide part vers le bas. On distribue l'argent à des projets, des grandes associations. Et en fait, ils ont beaucoup de frais. Et ça arrive sur la pointe auprès de ces populations qui sont au contact vraiment des projets. Et ça, c'est important de retourner cette situation. Je ne vais pas dire du tout que les grandes ONG ne sont pas nécessaires parce qu'elles ont le poids pour faire des grandes organisations, spécialement tous les mois dans des hôtels 5 étoiles qui rassemblent les mêmes personnes, mais elles font avancer les choses officiellement. On a tous un chemin à faire quand on est dans la conservation. Alors, les gens qui vous écoutent à la radio, ils ne visionnent peut-être pas très bien votre travail. Il y a ce DVD qui pourrait leur être utile, qui s'appelle Bonobo, et qui raconte l'histoire de Benny. Vous pouvez nous en dire deux mots de ce DVD qui s'appelle Bonobo, en fait? Oui, ça s'appelle Bonobo, et maintenant il est sorti aux États-Unis. Ça s'appelle Bonobo Back in the Wild. Et c'est en fait l'histoire d'un petit bonobo, heureux dans la nature, sur le corps de sa maman, l'arrivée des chasseurs, et puis un long parcours jusqu'à Kinshasa, dans des bateaux, dans tout, et puis sa confiscation, la chance de rencontrer Lola Yabonobo, sa réhabilitation, son introduction après dans des grands enclos et son retour à la forêt. Ça explique tout ce que je vous ai raconté. Ce n'est pas un documentaire, en fait. Ce n'est pas un documentaire. Il existe vraiment, ce Benny, alors? Benny, et d'ailleurs, il a été remis dans la forêt, mais ce n'est pas au moment où j'ai fait le film qu'on a fait ça. C'est parce qu'on ne peut pas, c'est trop scientifique, c'est des vraies cages, et là, c'est des caisses en bois, etc. Mais l'image, c'est un docu-fiction, moi, je dirais. Et ça raconte, les enfants adorent, mais les grands-mères, comme moi, aiment aussi suivre ça. C'est vrai que c'est un docu-fiction, mais qui parle des bonobos et qui explique l'histoire, mais ce n'est pas seulement l'histoire des bonobos, c'est l'histoire des chimpanzés, des gorilles, et même des ourang-outans en Asie. C'est l'histoire de tous ces orphelins grands singes. Et c'est vrai que ça donne une très très belle histoire, et c'est un... Oui, les enfants aiment, mais ceux qui les accompagnent devant l'écran l'aiment aussi. Regardez en famille. Une dernière question, d'ici, de Belgique, comment peut-on aider votre association? Ben écoutez, on a toujours besoin d'argent, il faut dire les choses assez crûment, parce que avoir un staff de 80 personnes, avoir des déplacements à faire, c'est 19 heures de pirogue, ça coûte de l'argent. On a des patrouilles anti-braconnage là-bas, on a un sociologue, on a même un diététicien qui explique aux mamans que la vie aujourd'hui c'est aussi planter et ne pas se baser sur le poisson que la rivière donne seulement et de laisser pleurer les enfants quand ils ont faim. Non, on peut changer de système, ce sont des peuples de la forêt. Et à Lola et à Bonobo, ben, payer des bus pour des enfants, les déplacer, avoir plus de staff congolais pour faire l'éducation dans les écoles, tout ça coûte de l'argent. On peut donc faire un don, on peut aussi parrainer un petit bonobo, c'est 20 euros par mois. Ça ne suffit pas, mais tous les parrains ensemble font un beau bouquet d'argent qui nous permet de faire survivre ce projet. Nous aider, c'est malheureusement, nous sommes loin, on ne peut pas faire des dons d'habits, des choses comme ça. Les visiteurs, on peut venir nous voir, malgré que le Congo a mauvaise réputation, mais les gens qui en reviennent ont des étoiles dans les yeux. C'est comme ça que la bébé VBB a été créée, parce que les gens trouvaient ce projet extrêmement sympathique, avec un staff qui travaille avec son cœur, qui aime les bonobos, qui en parle comme s'ils étaient leurs enfants. Et oui, devenir membre de la bébé et parrainer un bonobo ou faire un don pour nous aider à continuer, avant qu'il ne soit trop tard, à porter cette parole partout dans le biotope des bonobos et aussi à Kinshasa, dans les écoles, dans nos clubs de bonté pour les animaux. On n'arrête pas, vous savez, il se passe toujours quelque chose à Lola et à Bonobo. Ça y est, c'est fini.